me on R.I.G. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet. C'est la saga des Fab Four numéro. Oh là là. Numéro 491. Nous sommes le 14 avril 2021. Et l'album de la semaine, ce sera With the Beatles. Consacré, vous l'avez deviné, aux Beatles. L'album date de 1963. Ça ne nous rajeunit pas. Nous allons entendre It Won't Be Long, All My Loving. Il y aura Don't Bother Me, I Wanna Be Your Man, Till There Was You. Et Money, That's What I Want. Si vous remarquez, It Won't Be Long, c'est John. All My Loving, c'est Paul McCartney. Don't Bother Me, George. Et I Wanna Be Your Man, Ringo. Je me suis fait un petit plaisir comme ça, un chacun, pour le plaisir. Bon, il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr, justement. Pour McCartney, ce sera Maybe I'm Amazed, mais la version de One Hand Clapping, que vous retrouvez maintenant sur la ressortie de l'album McCartney de 1970. Pour John Lennon, ce sera Sleeping and Sliding sur l'album Rock and Roll en 1975. George Harrison nous chantera l'éternel et merveilleux My Sweet Lord sur l'album All Things Must Pass. On attend la ressortie sans les effets spéciaux, enfin, sans les effets de production de Phil Spector en 2021. J'ai pas encore plus de dates que ça, mais vivement, vivement. Mais vous serez les premiers à le savoir parce que je vais acheter l'album pour vous. Et pour moi, je l'avoue. Et Ringo Starr chantera Oh My My sur l'album Bomb Ringo en 1973. Pour le reste, eh bien, vous verrez. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et je sais, parce que les ordinateurs fonctionnent ici et à plein rendement sur RG, je sais que nous avons une nouvelle auditrice de Belgique. Elle s'appelle Madeleine Rollens et je lui souhaite la bienvenue. 37 ans d'émission de la saga des Fab Four, elle ne m'avait jamais écouté. Eh bien, c'est pas grave, Madeleine, je te pardonne et je te souhaite la bienvenue dans cette saga qui dure depuis si longtemps et qui n'est pas prête de s'arrêter, je l'espère. Rejoignez-nous sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four. La saga commence avec It Won't Be Long sur RG, dans la saga des Fab Four. Le deuxième album des Beatles, ça commence maintenant. Bonne soirée, messieurs, dames. Beatles eurent 5 ans pour se préparer à leur premier album. Ils disposèrent de 5 mois pour le deuxième. Alors qu'ils étaient réunis depuis des années dans la maison de Paul en consacrant à chaque chanson le temps qu'ils jugeaient nécessaire, ils furent soudain contraints de composer dans des chambres d'hôtel, des autocars ou dans les coulisses de n'importe quel lieu, là où ils pouvaient disposer de 5 minutes. Une telle pression paralyse parfois les compositeurs, mais elle eut un effet bénéfique sur Paul et John, qui développaient peu à peu une surprenante capacité à écrire des tubes sur commande. John et Paul semblaient avoir une compréhension innée de ce que le public voulait entendre. Ils pensaient qu'il était essentiel que chacune de leurs spectatrices eût l'impression qu'ils s'adressaient directement à elle. D'où l'usage répété du pronom « you », « toi »,« from me to you »,« thank you »,« girl »,« I'll get you » et bien d'autres chansons systématiquement personnalisées. Le deuxième album « With the Beatles » fut réalisé avec beaucoup plus de moyens que le premier. Le premier, c'était une seule journée. L'enregistrement du deuxième s'est étalé sur 3 mois. With the Beatles se plaça en tête des charts britanniques peu de temps après sa sortie en novembre 63. Il fut le premier album pop à dépasser le million d'exemplaires vendus. Maybe I'm afraid of the way I love you. no more. Avec un clip plutôt très sympa où Johnny Notti tire la langue, il me semble, à la fin, un truc comme ça. Mais c'était sympa. C'est John en 1975 sur l'album Rock and Roll. 5 ans auparavant, c'est George Harrison qui fait l'émeute. Quelque part, la séparation des Beatles, ça lui a été bénéfique à lui, parce que il se sentait serré avec seulement une ou deux chansons par album. En 1970, ça va, il se libère, on va dire qu'il a pris les cachets qu'il faut. Et voici l'album All Things Must Pass et cette chanson, My Sweet Lord. RIG 90.7, la radio des Beatles. what's the matter? He said, come on over. I said, do I have to? And he started shaking. My wrist started aching. When my doctor said, et l'excellent album Ringo de Ringo Starr, avec l'aide de ses copains, puisqu'ils sont tous venus, pas tous en même temps, ça aurait été trop beau, c'était 3 ans après la séparation, mais ils sont quand même tous venus aider leur copain Ringo, qui lui est pote avec tout le monde, on le sait. Nous avons écouté les Beatles, It Won't Be Long, Paul McCartney avec une version extraite du show télévisé One Hand Clapping, qui date de 1973, je crois, mais qui est inclus sur le remaster de McCartney, sorti il n'y a pas très très longtemps, pour les 50 ans il me semble. Puis nous avons écouté Lennon avec Sleeping and Sliding, George Harrison, My Sweet Lord, et à l'instant, Ringo Starr. Puisque nous avons parlé des quatre de Liverpool, il faut parler de celle qui est à Londres et qui vous fait tout savoir sur les Beatles et les Beatles survivants. C'est j'allais dire Eleanor Rigby, c'est Lovely Rita. Pas loin, on n'était pas très loin. Ça fait des années que je dis Lovely Rita quand même, c'est étonnant. En fait, qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24h sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga, c'est la saga. Close your eyes. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving de l'album de la semaine With the Beatles, par les Beatles forcément, en 1963. All My Loving fut d'abord un poème que Paul composa alors qu'il se rasait. C'était la première fois que je composais une chanson en écrivant les paroles avant la musique, raconta-t-il plus tard. Comme bien des chansons de cette époque qui se caractérisaient par des tournées incessantes, All My Loving parle d'éloignement. Mais là où John aurait ajouté une teinte d'appréhension, Paul affirmait sa certitude que tout s'arrangerait. John, qui était souvent prompt à la critique, reconnut que cette chanson était quand même un sacré bon boulot. 1985, encore une fois la version de One Hand Clapping sur RIG. C'est Paul McCartney, forcément. I never dreamed. C4. Ça m'amuse toujours quand j'écoute ce titre qui est la version 45 tours, c'est-à-dire il y a la première version que vous avez au début de l'album Goodnight Vienna de 1974 de Ringo, et à la fin de l'album, il faisait une Goodnight Vienna reprise. Là, il y a les deux ensemble, c'est ce que vous avez entendu à l'instant. Bref, ce qui me fait rire sur cette chanson, c'est l'hallucination auditive qu'on a, parce qu'avec l'effet de d'écho, etc., de réverb et tout ce que vous voulez, à un moment donné de la chanson, il dit « get it up, get it up, get it up, get it up » et les chœurs répondent « get it up ». Et moi, j'ai l'impression d'entendre « qui dit l'heure ?» Ouais, je sais. Bon, si vous voulez l'heure, je vous l'ai dit. Il est 20h36 sur RIG. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Nowhere man, please listen. You don't know. 90.7, la radio des Beatles. À la suite dans la saga des Fab Four numéro 480, je ne sais plus combien, 90, 91, 91. Faut que je regarde de temps en temps mon conducteur parce que sinon je finis par oublier. C'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais revenir sur la première chanson Nowhere Man enregistrée les 21 et 22 octobre 1965. C'est le premier titre des Beatles qui ne soit pas une chanson d'amour. John composa Nowhere Man un matin au retour d'une sortie nocturne et cette chanson marque le début des pérégrinations philosophiques de son inspiration. Il a longtemps été admis que le Nowhere Man, l'homme de nulle part, était soit une personne bien spécifique, et Julia Phillips dans You'll Never Eat Lunch in This Town Again, son livre de révélation sur Hollywood, juge probable qu'il s'agisse d'un homme d'affaires du nom de Michael Brown, soit l'archétype de l'homme à la vie rangée et vaine. Mais John déclara qu'il était cet homme de nulle part et que le désespoir l'avait poussé à composer cette chanson après qu'il eut passé 5 heures d'affilée devant une feuille blanche. « J'avais arrêté de chercher », raconta-t-il à Hunter Davis, le biographe des Beatles. « Rien ne venait. Je me sentais frustré. Je suis allé m'allonger, abandonnant tout espoir. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être un homme de nulle part, assis dans un pays qui n'existe pas. Nowhere man sitting in his nowhere land. » Faut pas chercher plus loin. No time for you right now, don't bother me.

standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She's leaving. Never a thought for ourselves. We've struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away. Extrait de l'album de la semaine Don't Bother Me, il y a trois chansons. La première chanson officiellement composée avec les Beatles au moment où ils ont eu du succès, on va dire, par George Harrison sur le deuxième album, l'album With the Beatles. Puis il y a eu deux chefs-d'œuvre de Paul McCartney, Eleanor Rigby, et à l'instant She's Leaving Home sur l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. En février 67, lorsque Paul tomba sur un article de journal relatant l'histoire d'une jeune lycéenne de 17 ans préparant ses examens et qui avait disparu de son domicile depuis plus d'une semaine, son père, angoissé, avait déclaré « Je ne comprends pas pourquoi elle se serait enfuie, elle a tout ce qu'elle veut ». Le problème des fugueurs était très sensible en 1967, d'ailleurs certainement pas que cette année-là. Avec l'article du journal pour seul guide, Paul écrivit l'histoire d'une jeune fille qui abandonne à la dérobée un domicile respectable et oppressant pour chercher la joie et l'amour dans les swinging 60s, dans le tourbillon des années 60. Il ne savait pas à l'époque à quel point il avait visé juste et était loin de s'imaginer qu'il avait déjà rencontré cette fille à peine 3 ans plus tôt. L'adolescente dont parlait le journal s'appelait Melanie Coe et était la fille de John et Halsey Coe qui vivaient à Stamford Hill dans le nord de Londres. Les deux seules différences entre les paroles de la chanson et son histoire sont que l'homme qu'elle rencontra travaillait dans un casino et non pas dans un garage, qui était en fait une référence à un ami liverpoolien des Beatles, Terry Doran, et qu'elle quitta son domicile dans l'après-midi pendant que ses parents travaillaient, plutôt que le matin quand il dormait encore. Ce qui est extraordinaire dans cette chanson, c'est de voir à quel point elle est un reflet de ma vie, raconte Mélanie. Les paroles font dire aux parents we gave her everything money could buy. Nous lui avons donné tout ce que l'argent peut acheter. Et c'était vrai dans mon cas. J'avais 2 bagues avec des diamants, un manteau de vison, des vêtements de confection en soie et cachemire et ma propre voiture. Puis il chante After living alone for so many years, après avoir vécu seul pendant tant d'années, ce qui m'a d'autant plus touché, c'est que j'étais fille unique et que j'ai toujours eu l'impression que d'être seule. Je n'ai jamais pu communiquer avec mes parents, c'était une guerre constante. Je suis parti parce que je ne pouvais plus les affronter. J'ai entendu cette chanson quand elle est sortie, mais je ne pensais pas qu'elle parlait de quelqu'un comme moi. Je ne pouvais pas imaginer que c'était mon histoire. Je me souviens de m'être dit à l'époque que le garçon avec lequel j'étais parti ne travaillait pas dans un garage et que ça ne pouvait donc pas être moi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson, qui est une très très belle chanson. mauvais album de John après la séparation. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de Yoko Ono dedans et il est trop politique. Mais il y a quand même des perles dans cet album-là, comme la chanson qu'on vient d'entendre à l'instant. L'album, c'est Sometime in New York City, et la chanson New York City, tout simplement. Et qui passe à New York si jamais vous parlez espagnol, ce qui n'est pas mon cas. Bon. La semaine dernière, il me semble que je vous avais proposé Magneto and Titanium Man, mais je vous avais dit que la version du live était encore bien mieux. J'ai décidé cette semaine de vous la proposer. En 1967, sur l'album Wings Over America, voici Paul McCartney à son meilleur, la plus belle voix, le meilleur live de l'univers. Magneto and Titanium Man sur RIG 90.7. Montez le son. Animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Wow! Extrait de l'album de la semaine With the Beatles, c'est Ringo qui chante I Wanna Be Your Man. Bien qu'il fût loin d'avoir une voix exceptionnelle, Ringo interprétait lors de chaque concert une chanson choisie en fonction de sa tessiture limitée. Et cette tradition se poursuivit sur les albums. La plage étriquée accordée à Ringo servant en quelque sorte à détendre l'atmosphère. C'est en pensant à Ringo que Paul commença à écrire « I Wanna Be Your Man », un morceau construit sur quatre accords dont les paroles n'allaient pas vraiment plus loin que les cinq mots du titre. Mais il l'abandonna rapidement car il butait sur le deuxième couplet. Cette chanson est reliée aux Rolling Stones. Pourquoi ? Parce que quelques mois plus tard, en septembre 63, Paul McCartney a rencontré le manager des Stones, qui était à la recherche d'une chanson susceptible de faire un bon 45 tours. Mick Jagger et Keith Richards n'écrivaient pas encore, et leur premier 45 tours, qui s'était vendu à plus de 100 000 exemplaires, avait été une reprise de Chuck Berry. C'était Come On. Il partageait son inquiétude avec les deux Beatles, qui avaient déjà vu deux fois les Rolling Stones en concert dans des clubs liverpooliens. Londoniens, pardon, pourquoi Liverpool ? Non, londoniens. Et Paul mentionna immédiatement sa chanson inachevée, « I Wanna Be Your Man ». Le taxi fut aussitôt détourné vers le studio 5L, parce que oui, ils se sont rencontrés dans un taxi. Ils jouèrent « I Wanna Be Your Man » devant les Rolling Stones, et Brian Jones, qui était alors le leader du groupe, leur dit que le morceau leur convenait tout à fait, mais qu'il n'était pas certain de pouvoir l'utiliser parce qu'il était inachevé. Et John a dit « Puisque cette chanson vous plaît, on va vous la finir tout de suite ». Ils disparurent à l'arrière-salle et en ressortirent quelques minutes plus tard avec la chanson complète. Cette chanson-là, la voici, celle, la version des Rolling Stones, je voulais vous la proposer. De l'album Around and Around, sorti en 1964, quelle belle année, par les Rolling Stones. I Wanna Be Your Man des Rolling Stones grimpa jusqu'à la 12e place des charts et influa de manière significative sur le succès du groupe. Donc, merci les Beatles, hein, les Rolling Stones. Maintenant, c'est la partie, après la cover, puisque c'était les Rolling Stones, c'est la partie qui vous parle des ressemblants à des fils d'eux, etc. C'est Because de Julian Lennon sur RG. Oh, McCartney. so many miles yet to go. Some days are high, some days are low. I know what I've got to do, and I've got to do it right now. And this one thing is true, that I'm breaking through. I'm breaking through at the speed of sound. Some nights are high, some nights are low. Some go slow. I've been told time and time again, it's not about it, it's all about when. I know what I've got to do, and I've got to do it right now. This one thing is true, I'm breaking through. Breaking. L'excellent Ringo Starr qui vieillit très très bien, qui a probablement arrêté le compteur à 55 ans, je sais pas comment il a fait, puisqu'il a 80 ans, et il les paraît pas, il les paraît pas du tout. Bon, il y a la teinture, d'accord, mais il est en forme, il a une voix qui passe encore comme avant, et en 2017, il nous proposait cette chanson-là, Speed of Sound, sur l'album Give More Love. On revient, si vous le voulez bien, et vous n'avez pas le choix, à l'album de la semaine. L'album de la semaine est sorti en 1963. Eh oui, ça remonte. Et c'est l'album With the Beatles, le deuxième album des Beatles. Voici Till There Was You sur RIG. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all. Till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all. Till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet fragrance meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Living in a Material World, extrait de l'album Living in a Material World en 1973. Et vous avez noté sur cette chanson, dans les paroles, l'humour de George Harrison, puisqu'il dit « Met them all here in a material world », je les ai tous trouvés dans le monde matériel, « John and Paul in a material world », John and Paul dans le monde matériel, « We got rich here on the tour », on est devenu riche en faisant des tournées, mais également « We got rich here », alias Richard, on the tour en faisant des tournées, donc. Donc c'est un jeu de mots sur Rich et Richard, voilà. Bon, ben il fallait le souligner quand même. Moi je l'ai entendu dans les paroles et puis j'aime bien cet album-là. C'est un excellent album de George Harrison. On redevient plus cool, on se met dans une atmosphère calme, calme. On est sur Blue Jay Way dans la saga des Fab Four. Please don't be long. Un instrumental de John Lennon, c'est suffisamment rare pour le passer de temps à autre. C'est sur l'album Walls and Bridges. Don't miss it. Hey, babe, didn't get it. Didn't get it. I didn't get a wink of sleep last night. I had some bad news. Some bad news. No sleep, but I kept the telephone calls. Didn't need any of them. Couldn't sleep at all. Vite, dans un peu plus d'un quart d'heure, ce sera Eric et sa fantastique émission Johnny de A à Z. On n'arrête plus la musique. Voici le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album c'est With the Beatles et le titre Money, That's What I Want. C'est toujours valable en 2021. The best things in life are free. Always to be here, oh, Mull of Kintyre. être à l'heure. Vite, vite, encore une chanson ou deux. Ouais, peut-être trois. Allez, dédié aux belles femmes et aux autres aussi, mais j'y peux rien. Le titre, c'est Beautiful Girl. C'est George Harrison en 76 sur RIG. Eric et Johnny de A à Z, on parle de pas assez d'amour dans le monde, Not Enough Love in the World. C'est le nouvel album de Ringo Starr, Zoom In 2021, nouveauté. J'arrive. En deux heures, je me dis, bon, deux heures, on a le temps. Et à chaque fois qu'Eric arrive, je me dis, déjà, ça va donc bientôt être fini. Et puis on arrive à 22h et je me dis, oh oui, c'est déjà fini. C'est trop court. Bon, mais c'est pas grave, c'est bien quand même. Je suis content de vous proposer deux heures chaque semaine, depuis très longtemps sur RG. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour, attention, un 100% McCartney live. Ça va être super. Et je vous laisse entre des gros bras, mais très doux et très agréables, avec une voix suave. C'est Eric pour Johnny de A à Z. Non, j'ai pas testé, mais je me doute. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.